stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Ligne directe. Et c'est parti pour une nouvelle ligne directe consacrée pendant 5 minutes à ce qui fait l'actualité dans notre région. Et vous avez peut-être d'ailleurs fait partie de ce millier de personnes qui a défilé ce samedi 13 octobre dans les rues de Caen pour le climat. Et zoom sur cette calvadosienne qui tente d'avoir un faible impact sur l'environnement. Il s'agit d'Isabelle Ouvry qui a décidé de mettre en place des chambres d'hôtes zéro déchet à Saint-Martin-de-Fontenay. Ça se passe juste au sud de Caen. Nous sommes en ligne avec elle. Alors Isabelle, expliquez-nous un petit peu le concept du zéro déchet. Alors zéro déchet, c'est un mode de vie en fait, un mode de vie visant à limiter sa production de déchets ménagers dans un premier temps, et puis plus largement, c'est un mode de consommation qui axe ses choix alimentaires, vestimentaires, en tentant de limiter l'impact environnemental. Donc ça, c'est beaucoup plus large. Mais dans un premier temps, c'est vraiment dans le but de limiter le volume de sa poubelle. Donc limiter les emballages, essentiellement. Un concept que vous avez transposé sur vos chambres d'hôtes. Voilà, c'est ça. Parce que, à titre personnel, j'ai mis 3-4 ans à peu près à mettre en pratique tranquillement pour changer de fond en comble, mais sans faire une révolution trop brutale dans la maison. J'y ai trouvé beaucoup de satisfaction et j'ai voulu en faire profiter. Et puis pouvoir proposer aux personnes qui sont elles-mêmes adeptes du zéro déchet de pouvoir continuer à pratiquer ce mode de vie hors de chez eux. Parce que ça nécessite quand même un petit peu d'organisation. Il faut avoir des contenants pour aller chez les commerçants, soit des sacs en tissu, soit des boîtes pour mettre par exemple la viande ou la charcuterie chez le boucher. Et donc voilà, j'ai voulu proposer un hébergement avec cet équipement pour les personnes adeptes ou pour celles qui veulent simplement s'immerger dans un quotidien zéro déchet et puis tester deux ou trois pratiques, même si elles ne sont pas familières avec ces pratiques. Et alors du coup, qu'est-ce que l'on va retrouver dans ces chambres en zéro déchet ? Alors, les chambres, ce sont des chambres classiques, mais je mets à disposition, par exemple, un distributeur de mouchoirs en tissu que les gens laissent et que je lave et que je désinfecte après leur départ. Je mets à disposition aussi des lingettes démaquillantes, des petits savons invités, ça c'est assez classique, mais en plus je mets un petit pain de shampoing solide que les gens peuvent utiliser et repartir avec, et aussi un auriculis, un petit bâton de bambou qui sert à remplacer les cotons-tiges. Donc je mets ça à disposition en expliquant aux gens que voilà, ils peuvent tester et repartir avec, et puis si vraiment ça ne les intéresse pas, ils les laissent tout simplement. Donc ça c'est pour la partie chambre et salle de bain. Et puis j'ai aussi la pièce, le séjour en fait, où les personnes viennent prendre un petit déjeuner. Il y a aussi tout un équipement pour les personnes qui restent plusieurs nuits et qui partent en visite. Elles ont un équipement si elles veulent se préparer un pique-nique. Donc elles ont des petits sachets en tissu pour mettre leur pique-nique. Des boîtes, un kit à pique-nique complet, des sachets pour emmener les sandwichs ou les gâteaux. À nouveau des mouchoirs en tissu à emporter. Voilà, c'est vraiment la mise à l'honneur du tissu pour relaver les objets et limiter les objets à usage unique, en fait. Alors, comment réagissent vos hôtes ? Est-ce que vous avez plutôt des personnes qui sont déjà dans cette ambiance zéro déchet, ou alors est-ce que vous avez plutôt des gens qui n'y connaissent rien ? Il y a les deux. Les deux, principalement des personnes qui ne connaissent pas, parce que je suis sur une plateforme de réservation, on va dire généraliste, hein, donc toute personne, même non pratiquante du zéro déchet, peut réserver les chambres d'hôtes par cette plateforme. Mais j'ai eu des demandes d'hébergement de personnes qui étaient déjà dans une pratique zéro déchet et qui ont apprécié justement d'avoir tout cet équipement. J'ai eu beaucoup de personnes qui donc n'étaient pas du tout encore dans cette pratique, mais qui ont trouvé que c'était très inspirant et qui sont repartis avec des idées toutes simples à mettre en place chez eux. Hein, ils m'ont dit, ben, on n'est pas sûr de mettre en pratique tout, mais deux, trois petites choses ne nous semblent pas très compliquées et on va mettre telle ou telle chose en pratique dès le retour à la maison. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une victoire parce que je ne veux pas du tout être moralisatrice. Je veux simplement témoigner que oui, c'est possible et que ça passe par des choses simples. Quand on me dit, bah, je vais mettre ça ou ça en pratique de retour chez moi, je suis vraiment tout à fait satisfaite. Pour moi, la mission est accomplie. Ligne directe, c'est chaque jour un gros plan sur les événements qui font bouger la Normandie. Vous souhaitez participer à cette chronique ? Contactez-nous au 02 32 23 53 96. Just why? Don't believe me, just why? Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo. Grand soleil en matinée sur toute la Normandie avec quelques nuages sur la Seine-Maritime et un ciel plus chargé sur le Cotentin. Un vent faible à modéré et des minimales basses entre moins 5 et 1 degré. Une après-midi très largement ensoleillée ensuite avec un vent faible et toujours froid pour un 14 décembre avec de 1 à 7 degrés cet après-midi. Si samedi, certains gilets jaunes appellent à l'acte 5 de mobilisation à Paris, d'autres poursuivent toujours encore leur mouvement, notamment en Seine-Maritime. Sans surprise, les points de rassemblement et de blocage se ressemblent jour après jour. Les lycéens aussi poursuivent leur blocage en organisant des manifestations dans plusieurs établissements de Seine-Maritime et de l'Eure. C'était encore notamment le cas hier avec des incidents qui ont éclaté aux abords du lycée Georges Dumézil à Vernon. Et puis tagué, couvert de peinture, incendié, vitres brisées, le nombre de radars partiellement ou totalement détruits est en forte augmentation ces dernières semaines depuis le mouvement des gilets jaunes. Les actes de malveillance avaient débuté en juillet dernier. Depuis l'entrée en vigueur du 80 km/h sur les routes sans séparateur, ils sont toutefois sans commune mesure avec ceux auxquels on assiste ces dernières semaines. La préfecture ne fournit aucun bilan dans l'Eure et la Seine-Maritime, de peur de voir les auteurs de ces actes se livrer à une surenchère. Toutefois, selon les calculs, 60% des radars, toujours confondus, seraient inopérants dans ces deux départements. Voilà en ce qui concerne les titres de l'actualité. Très belle journée sur Cristal. Too much life running through my veins.

still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Crystal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Vendredi 14 décembre, c'est le week-end ce soir pour la plupart d'entre vous. Bon courage pour cette journée. Il fait froid encore ce matin. Vous avez sûrement sorti la raclette, il va faire froid tout le week-end en Normandie. Faut s'y attendre, hein. Couvrez-vous bien, mais le froid réveille dès le matin. C'est le point positif. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, le vendredi, c'est pas facile. On a déjà la tête au week-end, mais ça va aller. On va essayer de vous mettre de bonne humeur sur Crystal. Dans un instant, vos dernières infos en Normandie. Je vais vous offrir aussi des cadeaux ce matin avec de bons chocolats pour Noël. Et puis, vous y arrivez aussi avec Marshmello, Dan Lewis. C'est ce qu'on écoute dans le prochain quart d'heure. Très bon réveil et bon courage pour ce vendredi. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go. Give me some time, baby, 'cause you know. Even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm back with you. This right here is my type of party. 5 more hours, we just getting started. 5 more hours, we just getting started. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. I'll give you all my time, baby. You know. Even when we're apart, someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Et avant de prendre la voiture, faut anticiper. Hein. Le gel est là, il est costaud ce matin. Moins 2 à Rouen, moins 2 aussi à Évreux chez Anthony. Moins 3 sur la plage à Luc-sur-Mer dans le Calvados. Moins 2 aussi à Caen, quai Vendeuvre. Il va faire froid aujourd'hui et tout le week-end. Préparez les écharpes et les gros manteaux. On n'aura pas plus de 4 degrés sur la Normandie. Le froid, ça va avec Noël et avec le mois de décembre. Hein. Bon courage à vous ce matin. En tout cas, on a envie de rester sous la couette en ce moment. Mais dites-vous que le week-end arrive vite. Il est bientôt 6h. Le groupe Coldplay dans un instant. Mais d'abord, on dit bonjour à Alexandra pour l'horoscope de ce vendredi. Bonjour Alex. Crystal.